En faveur de l'orientation de réunification coréenne énoncée par le maréchal Kim Jong-un dans son rapport fait au 7e congrès du Parti Travail de Corée, Abdoulaye Diallo, président du Cercle d'études littéraires sur les idées du Juste de Guinée, a publié le 18 un entretien.